émotion, c'est pas possible. Dans ce monde de débile, ya ya ya ya ya. Sans aucune imagination, trop de religion. Peut-être un jour ils changeront. Mort encore. La mort n'a pas d'importance. La mort, ça pense. Pour le quelque chose, on a droit à la petite danse. La mort n'a pas d'importance. Encerclé de champs, où on passe des hostiles. C'est pour ta passion et puis c'est ya ya ya ya ya. De nous supporter, pas de nous aimer. D'arrêter de nous enfermer, libérer les fous. Pas d'importance, on s'en pense. On est quelque chose, on a droit à la petite danse. J'ai les pas pour perdre la paix, ya ya ya ya ya. Pétez-vous simplement, ça sera pas pire. Même si vous passez pour des cons, laissez-nous rire. N'a pas d'importance, on s'en pense. Pour les quelque chose, on a droit à la petite danse. N'a pas d'importance, on s'en pense. Pour les quelque chose, on a droit à la petite danse. On a droit à la petite danse.